Dr. Willie and Space Records present Club Sinatra Remix. Et voilà, donc vous pouvez toujours nous contacter au 0825 08 5000, et pour les Belges au 033 05. Oh merde. Bonsoir Mathieu, t'appelles d'où? J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ouais, vas-y, espèce de tremblot. J'appelle de Paris. Oh putain, mais merde. Je sais où le voiture se trouve. Hop, carrière, je le tire. Christophe, le site internet, s'il te plaît, là, on y va, là. Christophe, on n'a pas que ça à foutre, hein. Moi, je t'allais faire pitouille. Avez-vous lu le livre de Madame Chirac? Alors, moi, Marcelino, je ne l'ai pas lu, mais Gérard, je te conseille un livre, La guerre des boutons. Ouais. Non, mais La guerre des boutons, je m'en bats les cacahuètes. Oh, c'est lui qui a sa musique derrière, arrête! Mais s'il prend une pute et qu'il roule pas. Ah bah ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Salut, Gérard, c'est Monsieur Johnny. 109. Exact. Oh. Mais sinon, Gérard, t'as pas de nouvelles de cette vieille poufiasse de samedi? Mouna. Oui. Au revoir. Non, mais je m'interroge. De quelle manière se traduit la bonhomie? Tu réponds correctement à la question. Non, mais explique-la, Gégé. De quelle manière? On n'a pas dit répète, on a dit explique, du con. Alors du coup, il t'emmerde, pousse-toi de là, mon pote. Ouais, mais qu'il évite de parler de l'arrière-carte, ça me ferait bien plaisir. Hé, hey, qui c'est qui nous reste, là? Bah Maurice, il est toujours là. Ah non. J'ai dit au revoir à Maurice, là. Moi, pour conclure... C'est qui, toi? C'est Jean-Michel. T'es encore là, toi? Bah oui, je suis revenu. Alors, je voulais proposer... Attends. Ah bah non, on t'a dit au revoir, quoi. Ah bah alors, pourquoi tu m'engueules? Parce que je suis pas là, Blaireau. Oh, hey, Blaireau, il t'emmerde, alors au revoir. Ça te dérange pas de dire bonsoir que de dire des conneries? Ouais, fils de pédiatre, fils de... du doc. C'est Jeanne. Oh, mais c'est quoi ce bordel, là? C'est Spitz, il déconne. Ouais, bon, allez, tu lui... Hey, Manu, tu lui dis au revoir à lui et c'est terminé. Allez, hop. Okay. Bonne nuit. Oh, donc... Est-ce que je peux répondre? Qui? Monsieur Spiff. Mais je viens de te dire au revoir. Mais pourquoi vous me dites au revoir? Je te dis au revoir, c'est tout. Pourquoi? Écoutez... Au revoir. Je peux pas, son père peut me faire aller sur Skype. Non, mais allez, au revoir. Je réponds à votre débat. Non. Bipudus, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. D'accord. Ouais, donc je disais que dans ces cas-là, tu gonfles. Et donc voilà, donc forcément, il y a un moment où c'est un peu comme une cocotte minute, quoi. Faut que ça sorte, quoi. Bipudus, tu arrêtes, s'il te plaît. Girardo. Alors, Lolo, c'est toi qui viens de dire en culo. Alors, je viens pour encore voir. Ah, mais non. Terminé. Dans les banques ou autres services. Je sais pas. Donc, pourra-t-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services? Je sais pas. Donc, pourra-t-on encore échanger les francs dans les banques ou autres services? C'est la dernière fois que je répète la question. C'est quoi le mot? Alors, écoutez, moi, je vous répondrai l'équivalent de 4 ports. C'est-à-dire? Eh bien, 1, 2, 3, 4 ports. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Pareil. Je pense qu'alors, pour l'instant, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Pareil. Alors, on s'écoute, Jean Biffon, il n'y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Et voilà, donc, en fin de compte, c'était pas ce qu'on venait de ce que j'ai annoncé. Et c'était donc les Bee Gees avec Stenoline. Moi j'ai eu un petit problème avec le grec, c'est que j'ai séché les cours pour aller coucher avec des femmes plus vieilles que moi. Putain, mais moi j'ai regardé, c'est abréviation de famille Bach égale Bacho, c'est tout ce que je peux vous dire. Les gens, c'est vraiment des connards. C'est tous des cons à trois. Ça arrive, Gérard, d'avoir un anus artificiel, c'est pas grave. On va terminer, ça y est, c'est terminé. J'ai pris ton vieux chapeau Rav Calin en otage, monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, moi aussi, monsieur Gérard. Je suis ravi d'être de retour. On ne sait pas ce qui s'était passé. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir. Ça y est, les bonsoirs, Jean-Luc et puis Michel Panini, là. Joyeux Noël. Bonne année à toi, Gérard. 3-0. Joyeux Noël.